dit qu'est-ce que tu veux faire. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. Je veux plus courir après l'argent. Je veux plus courir après l'argent. D'accord, et comment tu comptes faire. D'accord, et comment tu comptes faire. Du rap jusqu'à payer content. Du rap jusqu'à payer content. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. Je veux plus courir après l'argent. Je veux plus courir après l'argent. D'accord, et comment tu comptes faire. D'accord, et comment tu comptes faire. Du rap jusqu'à payer content. Du rap jusqu'à payer content. Ace qui remet ça, faut que je fasse des lovés. Je veux pas bosser pour le RSA. Donc dans le peurage, je dois innover. Des la mif comme Teresa, plier le game jazz PS4. Faire autant de salles que DSK, venir taper en RS4. Donc pour ça, j'écris mes lettres sur partition. Je fais pas dans l'accord cru, t'as deviné, ça laissera l'addition. Pas l'intention de m'arrêter d'ici là, jusqu'à ce que je kill tout ici bas. Le rap français dans la sauce mijote dans ma cuisine Xina. Et si je m'en sors, je mettrai bien ma mif, mes potes, la vie. Mes proches ne sera plus menacé par des huissiers qui te vident les poches, finissent tes pommes. Non, non, non, plutôt qu'à nec, rester en chien, moi je suis pas en temps plan. C'est Dieu qui donne, y'a pas de magie, faut pas se leurrer. Ne m'aille pas, si toi t'as rien, attends ton tour au lieu de pleurer. On a ce que l'on mérite, donc je prends ma prime. Depuis que j'ai un public, je vis un dream. Même si je dors plus beaucoup, ben grâce à eux, je suis sorti de la déprime. Hey, team. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. Je veux plus courir après l'argent. Je veux plus courir après l'argent. D'accord, et comment tu comptes faire. D'accord, et comment tu comptes faire. Du rap jusqu'à payer content. Du rap jusqu'à payer content. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. Je veux plus courir après l'argent. Je veux plus courir après l'argent. D'accord, et comment tu comptes faire. D'accord, et comment tu comptes faire. Du rap jusqu'à payer content. Du rap jusqu'à payer content. Le vrai problème c'est qu'en France on n'a pas tous les mêmes chances. Y'a pas d'égalité, la route on pas toujours dans le même sens. J'aime pas jouer les victimes, mais disons qu'un rebeu ou qu'un renoir va galérer sans piston. Man, ce système a des lacunes, un taux d'abandon accru. Beaucoup trop d'élèves tournent en rond, font comme les anneaux de Saturne. Donc Saturne et quitte l'école, ils ont compris que c'était pas le must pour que leur vie d'à l'école. Donc à tort se lance dans l'illicite. Vu que la street les plébiscite, je les félicite pas, mais c'est le scénar qu'on a pas du gain d'excite. Ouais, et ça je l'ai compris depuis longtemps. J'en suis conscient, la musique mon refuge. Si je veux acheter Longchamp, ce sera content. Trouve un taf si tu veux survivre. Si tu veux vivre, trouve un business. Si Justin Record me signe, c'est pour VA finisse dans le Guinness. Parce que je rappe sans ces clichés minables. Quand les mots viennent dans ma tête, c'est inexplicable. Je suis fait pour ce truc, ni pas l'irréfutable. Comme une balle dans la tête, j'aurais inévitable. Dis, hey, on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. Je veux plus courir après l'argent. Je veux plus courir après l'argent. D'accord, et comment tu comptes faire. D'accord, et comment tu comptes faire. Du rap jusqu'à payer content. Du rap jusqu'à payer content. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. Je veux plus courir après l'argent. Je veux plus courir après l'argent. D'accord, et comment tu comptes faire.